Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, voyage transclasse, histoire de ceux qui ont quitté leur milieu d'origine. Une série documentaire de Leïla Djitli, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a la honte et la fierté et la honte de la honte. Il y a le désir de revanche, le sentiment d'imposture et la chance à saisir. Et puis il y a ceux qui ont la rage, qui brûlent tout derrière eux, des caméléons increvables qui se relèvent de tout et n'ont rien oublié de ce qu'il a fallu traverser. Alors pour commencer, les personnages. Un père ouvrier agricole, un SDF skater, une amoureuse, une aristocrate, une femme qui a changé de prénom, une sériale entrepreneuse, un chef d'entreprise et un juge. Ensuite, le décor. Une odeur de bergamote, un manoir, un taudis, l'accent du sud-ouest et celui du Maroc, des particules, un lycée privé, un kidnapping, des marchés, un concert de rap, un concept store et un burn-out. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est dans un temple du luxe. Je vis pas comme les autres. Aujourd'hui, vous me donnez 5000 euros par mois, je dis que je suis pauvre. C'est vrai. Je peux plus vivre avec des sommes aussi risibles. C'est pas possible. Ma vie comme un voyage social ou comment inverser la courbe du destin. Aujourd'hui, en France, on juge les gens à leur look. Parce que j'avais une certaine allure et je profitais de ça. Et j'ai surfé sur cette image que je donnais, mais dans le fond, ça n'était pas moi. Ils sont nés ni dans les bonnes familles, ni au bon endroit, ni dans les milieux qui font les grands patrons. Ils ont bousculé les déterminismes sociaux, inversé les pronostics. Deux histoires qui ont traversé les hauts et les bas de la réussite. Pour Aude de Thuin, une multi-entrepreneuse, elle a construit son identité sociale en changeant son prénom, comme pour changer son destin. Ramdan Touami, le créatif, lui qui a mille idées minute, vit sa vie comme une épopée des temps modernes. C'est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans sa très chic boutique de cosmétiques de luxe, Bully 1803, qu'il raconte avec une totale franchise et sans filtre les étapes de cette ascension, de ce qu'il nomme son voyage social. La recette du succès, livrée par Bully 1803, pour avoir l'air d'une fleur des montagnes sans être allée au ski, déposez une petite poignée de poudre de miracle du Taroudan au creux de votre main. Formez-y un puits pour pouvoir y verser quelques gouttes d'hydrolat d'une plante bien aimante. Amalgame. Je me suis amusé à regarder le top 500 des familles françaises. Le premier Bougnoul, il a 430e place. Et sa fortune, elle est de 60 millions. Et en voyant cette liste, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai une proposition pour me racheter. Une boîte qui n'est pas vieille. Mais si je l'avais vendue, j'aurais été dans les 100 premiers. Je ne la vendrais pas. Mais je me suis dit quand même, moi qui ne fais pas grand-chose, je fais des parfums, des cosmétiques, des trucs comme ça. On va faire ces 14 boutiques, on va les terminer cette année, et puis on verra si on aura une vingtaine de plus l'année prochaine. On verra. On est là, on n'a pas de plan, on avance. Ça marche, on en profite. Bâton le fer tant qu'il est chaud. Là, on travaille, on finit, puis je suis un petit ouvrier, je suis un paysan, je suis un ouvrier agricole. Non, bergamote de Calabre. Ah. So you know they're special, they don't have any alcohol. They're water-based perfume. Au Ramdan, vous dites paysan, ouvrier agricole, mais là on est dans votre boutique et c'est un endroit de luxe incroyable. En rentrant, j'avais l'impression de passer les portes du temps et puis d'être embarqué dans une histoire, dans un univers. Il y a des couleurs, un camailleux de brun avec les boiseries et puis les vitrines antiques. Et puis alors là, vraiment, vous avez fait une trouvaille incroyable. C'est ce monsieur qui est là dans une un petit halo de lumière en train d'écrire à la plume chaque étiquette de chacun des flacons de vos clientes. Alors on se demande comment vous avez imaginé tout ça. Alors, c'est j'ai une passion assez poussée, extrême, pour les anciennes pharmacies, genre 10, bon, plutôt 16, 17, 18e siècle. Donc j'en ai visité 130 et j'en ai fait en fait une sorte de synthèse en créant celle de mes rêves, avec des éléments qui viennent de l'Hôtel Dieu de Troyes ou plusieurs du monde entier. Donc l'idée, c'était de prendre tous ces éléments, d'en faire une sorte de synthèse, enfin une sorte de... comme si on rentrait dans cette sorte de bulle dans le temps. Donc on a poussé les trucs à l'extrême. Je suis allé chercher de la terre en Toscane qu'on a fait cuire dans des fours étrusques. Après, on a travaillé sur le bois. On a une doucine qui est une forme de bois. On ne fait plus de doucine depuis le XVIIIe siècle. Et même la teinte, c'est fait à la gomme laque. Le marbre est un marbre qui est très à la mode au XIXe siècle. Il s'appelle la brèche de Bénou qui vient des Pyrénées. On a trouvé le dernier bloc. Ça a l'air vrai. Même les spécialistes, quand ils viennent, ils pensent vraiment que la boutique est d'époque et tout. Donc, on les a eus, quoi. On est meilleurs. Et puis après, il y a tous ces produits. Il y en a quand même 750, donc il faut les découvrir. Il faut prendre son temps. Vous avez une sorte de photographie de tous les secrets de beauté du monde. On vend, par exemple, les peignes en mini-bari de ce temple shintoïste de ce village au Japon qui s'appelle Kiso. Et ce mini-bari, c'est un arbre qui met beaucoup de temps à grandir. Donc il faut 300 ans pour que l'arbre grandisse. Ensuite, on le coupe. Lorsqu'on le coupe, cet arbre, il faut attendre 100 ans qu'il sèche. Donc, c'est 400 ans. Et quand vous l'avez coupé, vous l'avez sec, il faut découper le peigne. Et ça, le process dure 3 ans parce qu'il faut, pendant 3 ans, il soit trempé dans de l'huile de camélia pour qu'il soit... parce que le minébari est l'arbre le plus dur du monde. Donc là, déjà, vous avez un truc qui a à peu près 400 ans. Je ne vais pas vous le vendre 15 euros. Ça. Voilà. Mais c'est un peigne à 300 euros. Voilà. D'où ça vous vient, Ramdan, cette envie comme ça de trouver toujours la chose rare, la chose la plus élégante, la plus raffinée? L'appétit vient en mangeant. Mon parcours est particulier. J'ai un BEP comptabilité, puis après j'ai découvert ces trucs-là, et puis j'ai évolué avec tout ce que je... En fait, je suis curieux, très curieux, un point extrême. Ça fait partie de mon ADN, je sais pas, de ma construction. J'ai toujours été comme ça dans tout, donc... Alors justement, votre ADN, vous parlez de vous en disant « j'ai fait un voyage social ». On est dans un pays où les strates sociales sont très cloisonnées, il faut arrêter de se leurrer. Et donc, le voyage social, c'est comme des couloirs, il n'y a qu'une porte. Et on marche longtemps dans ce couloir. Donc, par exemple, chez les fils d'ouvriers agriculteurs maghrébins du sud-ouest de la France, j'ai fait le parcours. Puis au bout d'un moment, il y a une porte, il faut la trouver. Et on finit par... il faut se faufiler. Et là, on passe... au niveau au-dessus, on se retrouve chez les bourgeois provinciaux de la ville de Montauban, par exemple. Et ensuite, on remonte et on remonte. Et c'est exactement le même effet que arriver à Hawaï pour la première fois ou arriver à Jaipur la première fois. On a les yeux écarquillés. Il y a une petite fleur, cette fois, de Pérou. Ah, Pérou. Pérou. Pérou. Oh, c'est très bien. Alors, dites-moi, c'est parti d'où ce voyage social? Il est parti de loin, parti de très loin, mais finalement pas si loin que ça. Il est parti de Brial, un petit village de 400 habitants entre Toulouse et Montauban, dans le sud-ouest de la France, dans le Tarn-et-Garonne. Fils d'ouvriers agricoles et petit-fils d'ouvriers agricoles, installé en France, toute cette famille entre ma mère et mon père, et ils sont là depuis à peu près une centaine d'années, donc on est 3, 4, 5e génération pour la plupart. Et donc on grandit. Vous êtes d'où vos parents sont indiscrets ? Maroc, on est d'origine marocaine. Ils ont suivi en fait leur patron. Ils travaillaient eux-mêmes dans ma famille, dans des orangeries qui appartenaient à ce Français, à des Français qui sont venus après 56 en France, et donc ils ont suivi leur patron. Et voilà, moi je suis né. Tout à la fin de l'été 1974, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, ville rugby et paysage en cocagne. J'aime bien l'accent, je l'ai perdu, mais j'ai dû le perdre dans un aéroport. Mais, et donc voilà, j'ai grandi là, et dans des sortes de baraquements pour ouvriers. Les ouvriers agricoles français, ils ont vraiment un statut très particulier. Donc, ils sont là, et puis vous avez les saisonniers qui arrivent, qui jusqu'à, dans les années 80, étaient espagnols, ou portugais. Après, maintenant, on a mis des mecs de l'Est. Maintenant, on va chercher plus pauvres encore. Je ne sais pas où ils vont les trouver. On va finir avec des Vietnamiens ou des Somaliens. Mais voilà, on vit là-dedans. Et puis, mon père, étant la seule personne qui ait fait un peu d'études, donc se retrouvait le week-end à faire toutes les fiches de sécu pour tous les employés. Il a fini syndicaliste CGT parce qu'il devait se faire virer, tous ses potes devaient se faire virer. Bon, une misère sociale alarmante. Enfin, un truc, mais rien que d'y penser, c'est flippant. En fait, mes parents ne vivaient pas dans les champs, dans la propriété. On était à moins d'un kilomètre. Et en fait, mes parents avaient un deuxième métier. Ils gardaient un manoir. Un manoir qui appartenait à la famille Soubirac, grande bourgeoisie montalbanaise. Et on gardait ce château, ce manoir. Et ils nous ont donné une sorte de maison. Alors là, on est proche du taudis. Hein. Rien que d'y penser, c'était une maison où il y avait une cuisine et deux chambres. Mmh. Et donc, on était à quatre enfants à l'époque. Et on a fini à six, mais à cette époque, on était à quatre enfants jusqu'à 14 ans. Et on a vécu au milieu de la campagne. Et voilà, avec des champs de maïs et des champs des pommiers. Voilà. Et mon père gardait le week-end, on s'occupait de la propriété. Ça voulait dire couper l'herbe, s'occuper de tout. Et la semaine, travailler. En fait, mon père a travaillé tout le temps. Je sais pas, en fait, j'ai vu un papa qui n'a jamais arrêté un samedi ou un dimanche, tous les jours. À 14 ans, on gardait ce château. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? On se fait virer du château. Ils vendent le château. Et comme nous, on ne connaît pas la loi, on part du jour au lendemain. On nous met dehors. Et on atterrit dans une cité en banlieue proche de Montauban et on finit dans une cité de Montauban. Et là, grand changement radical pour moi, parce que je me retrouve misère. Là, je passe, c'est mon premier voyage social. Mais il faut aussi pas oublier que je suis dans un village où on est les seuls Arabes. Donc moi, par exemple, quand je suis à l'école de 0 à 8 ans, je pensais que j'étais chinois parce que les autres enfants m'appelaient le chinois. C'est très bizarre, le fait d'être arabe, c'est les autres qui vous le rappellent, vous oubliez donc... Vous êtes ce que les gens pensent que vous êtes, quoi. Oui. Donc j'ai été chinois. Donc ils ont dit chinois, et tout. C'était très bizarre parce que j'étais différent, mais appelé chinois. Je pense que. Et donc voilà. Et après on se retrouve dans une cité. Première étape. Nous on vient de la campagne. On est des bouseux. Jusqu'à 14 ans, je suis un vrai campagnard. Je joue au foot contre moi-même. On n'a pas de potes. Première ville, la première maison est à 5 km. Donc on est vraiment en race campagne. Et on arrive dans une cité où, bizarrement, nous on vivait dans une propriété qui faisait 15 hectares. Et on se retrouve dans une cité avec un appart et des gens au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, des chiens, des noirs, des arabes, des polonais, de tout le monde entier. On se retrouve de personne à trop de monde. Voilà. Et l'intégration a été une catastrophe pour moi, parce que j'ai pas du tout été intégré. Les mecs m'ont détesté, on se battait tout le temps. Et finalement, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est qu'ils m'aient pas intégré tous les mecs de la cité. On était trop zarbi pour eux. On était limite des paysans bourges, un peu éduqués. On était plutôt bons à l'école. Donc. Ma mère achetait des vêtements vintage. Et pourtant, elle était pas fan de Kurt Cobain. C'était vraiment pas un move fashion. Elle y allait parce que ça coûtait 2 balles. On allait à l'école avec des padef et on était en 88-90. Vous imaginez, on était des... D'ailleurs, le fait que je sois très bien habillé, que j'ai mon budget vêtements est ahurissant dorénavant, c'est une sorte de vengeance contre ça. Je mets des pulls. Ah, mais c'est un Shetland, mais de quelle île? Parce que moi, je mets pas ce Shetland de telle île. J'en suis à ce genre de snobisme. Une sorte de vengeance sociale par rapport à ça. Mais ouais, on a eu un trauma. Et puis on arrive, on est des gros ploucs, des paysans. Et puis mon frère s'intègre pas. Moi, je m'intègre pas. Ils nous tapent tous. Donc on se cache. Il m'est arrivé de me cacher. Je faisais un parcours, un grand détour de l'autre côté de la cité pour pas tomber sur les mecs de ma cité parce qu'ils me tapaient dessus à chaque fois. Donc j'ai décidé de traîner avec d'autres personnes. Et j'ai traîné avec des petits bourges, très racistes. Mais je préférais les petits bourges très racistes pour qui j'étais légèrement exotique que les mecs de ma tessie qui me tombaient dessus à chaque fois. Voilà, et donc là, c'est le... Troisième étape, je passe du mec de la cité au petit bourge de province. Les allumettes parfumées. Un brin de bois imbibé de parfum pour mettre un brin de bonne odeur et de bonne humeur dans l'air. et qui frotte une allumette parfumée ne s'y pique pas, car il suffit de la poser dans une coupelle pour que sa fumée légère parfume l'atmosphère. Ramdan, là, dans cette troisième étape, vous cherchez à sortir de votre milieu, vous cherchez de la compagnie, en fait, vous cherchez à sortir de l'isolement. Il y avait une sorte de misère sociale, hein. La misère sociale, c'est que vous ne connaissez personne. Vous allez à la campagne, vous n'avez pas de potes qui viennent le week-end. Et là, vous découvrez que vous pouvez avoir une vie sociale. Vous pouvez avoir des potes. Et chez les Bourges, il y avait des goûters. Et il y avait tout un truc. C'était pas la même vie que nous. Moi, le concept du goûter sucré à 4h de l'après-midi, c'est un truc que j'ai découvert. Je l'avais vu. Vous savez, moi, j'avais une mère. Ils étaient tellement pauvres, mes parents, qu'on avait droit à une heure de télé par jour. Et c'était pas la démocratie, hein. Donc si mon père était là, on regardait pas le Club Dorothée, hein. Et chez les Bourges, la télé, elle était allumée tous les jours, toute la journée. J'étais là, mais il n'y a pas un bouton pour l'éteindre. Il y avait de la bouffe, il y avait des jolies filles. On a 14 ans. Ils nous cachaient, hein. On n'existait pas. Enfin, j'ai jamais vu les parents de mes potes, tu vois. En fait, ils nous recevaient très peu à l'intérieur de la maison. C'était devant, derrière, dans le jardin, mais jamais vraiment à l'intérieur. On allait de temps en temps à l'intérieur, mais ils nous cachaient. Et voilà, et puis après, il m'arrive une galère. Je commence à partir un peu en couille. L'école, ça se passe pas très bien. Disons que je me rebelle. Et là, il y a un monsieur qui dans mon lycée qui me propose un pistolet, un P38. Il s'appelle Kaila, je me rappelle toute ma vie. Il me dit, viens, on va braquer tel truc. Et moi, je dis, ouais, d'accord, génial. Et il me file ce pistolet. Et je l'ai sur moi, en cours, au lycée, tu vois. Et je le sors un jour. Et je le mets sur la table et là, ils appellent la police et tout. Et là, je fugue. Je disparais. Je me retrouve à faire... Et voilà, je fugue, je me cache, la police me recherche, et je me retrouve à faire de l'autostop, je vais aller à Paris me cacher, et je prends la mauvaise voiture et je me retrouve à Clermont-Ferrand. J'ai traîné un peu comme un clodo pendant 5 jours avec des mecs, et là, j'ai dit que là, c'est bon, on arrête les conneries, et je rentre chez mes parents, évidemment, mon père me met une bonne trempe, et une seule claque, il en mettait très rarement. Mais quand il les mettait, je me rappelle les 4 claques que j'ai eues dans ma vie. Il a mis devant le commissaire de police une grosse trempe. Et je pense que la trempe était tellement énorme que le flic a dit « Bon, c'est bon, on va pas l'amener chez le juge. On va arrêter là. » Et donc voilà, et après, j'ai été viré évidemment du lycée. Là, j'étais en BEP comptabilité, quand même un truc qui est vraiment un tremplin vers l'échec. J'étais pas mauvais à l'école, mais on m'avait mis en BEP. Je pense que les Arabes et les Noirs étaient plus prédestinés. C'était le diplôme des bougnoules. Et voilà. B, ça devait être bougnoule. EP, je sais pas ce que ça voulait dire, mais ça veut dire autre chose. Et puis voilà. Et après, j'étais interdit d'académie. Et j'étais envoyé dans un lycée privé de bonnes sœurs à Castres. Et là, je me retrouve dans une classe, en internat. Il y a 400 filles, 15 garçons. Et là, c'était quand même l'énergie que j'avais assez naze à vouloir être une carrière, je l'ai retournée pour essayer de draguer les filles. Et c'est la meilleure chose, et la vraie bascule se fait là. Et je fais du skateboard. Bizarrement, j'étais une racaille qui faisait du skateboard. Je me retrouve dans une chambre avec un mec qui s'appelle Rich, qui avait fait une petite marque de t-shirt et était le mec le plus populaire du lycée. Il appelait la marque Rich Abracadabra. Et là, j'étais fasciné. Toutes les filles étaient amoureuses de lui et j'ai dit, je vais créer mon t-shirt. Et j'ai piqué dans le mille. Je l'ai eu en cours de maths et à l'époque, mon rêve, c'était d'avoir une paire de Timberland. Tellement j'étais pauvre. Avoir une paire de Timberland, c'était la panacée pour moi. Et je fais Timberland Tushyland. Et donc, je crée le t-shirt Tushyland. Comment financer ce projet? Eh bien, vous vous rappelez, je vous ai dit que j'étais à Clermont-Ferrand quelques semaines avant. Eh bien, j'avais volé un truc à un mec en tant que clodo, et je l'ai revendu pour financer ce projet. Et donc voilà, et donc je me suis lancé dans cette aventure. Explosion. D'abord le lycée, après le lycée d'à côté, et je finis dans tous les endroits en France. Je finis Marché Malik, Porte de Clignancourt, rue Saint-Denis, et les week-ends, au lieu de rentrer chez mes parents de l'internat, qu'est-ce que je fais? Je leur dis que je reste, mais en fait je prends le train de nuit de Toulouse à Paris pour livrer mes t-shirts. Donc c'est le début du commerce. Ouais. J'arrive en terminale bac pro. Ouais. Au moins, je vais passer mon bac. Mais à l'époque, je gagne 12 000 francs en cash tous les mois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? 12 000, l'équivalent de 80 000 francs. Et qu'est-ce que je vais foutre? J'avais un téléphone itinériste, les premiers portables, il n'y avait même pas de réseau. C'était avant le 06, c'était encore 7, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais foutre à l'école, quoi? Donc je décide de ne pas passer le bac. Quel intérêt? J'ai dit au prof, mais vous gagnez quoi? C'est vrai. Et en fait, en terminale, j'étais même plus en internat. J'ai fait croire à mes parents que j'étais encore en internat. Je payais l'internat, mais je m'avais pris un appart. Et j'avais monté ma petite entreprise avec des fax, des téléphones. Et j'étais 3 jours par semaine à l'école. Le reste, j'étais en train de vendre des t-shirts et en fabriquer. Et ce T-Shirtland, en fait, devient un carton. Toutes les racailles se battent pour l'avoir. Tout le monde le veut, absolument. Et ça devient le carton du siècle. La chance du débutant, j'en sais rien. Et c'est parti direct. Les mecs se battaient. J'étais le roi du pétrole. Hein? C'était ouf. J'en vendais, j'en livrais 100 à une boutique. Je revenais le week-end d'après, il n'y en avait plus. Waouh, c'est le grand waouh. À ce moment-là, je prends mon premier avion. Toulouse-Paris. Je vais au cinéma pour la première fois de ma vie. Je vois Terminator 2, la première fois de mon cinéma où je vais au cinéma. J'ai 18 ans. Il faut vous rendre compte de la misère sociale où on est. Et vous achetez votre première paire de Timberland. Quel moment? Le moment où je l'achète, c'est comme si c'est aussi important qu'un mariage pour des gens. Vous en souvenez? Ouais, grave. Je l'ai acheté tout de suite. Je l'ai acheté rue Saint-Denis chez Alpha New York Store. Chez Alex et Farage. D'ailleurs, deux mecs qui m'ont aidé après. Ouais, je me rappelle la première paire de Timberland. Et je crée le t-shirt qui va cartonner, qui va faire ma fortune. De Chiland. Quelle heure il est, Alice? Prenez mon téléphone, appelez-moi Uber à Icar. Il faut qu'il soit là, Icar, vraiment. Ok, allez. Donc je fais ces t-shirts et ça devient très populaire. Et puis il y a des voyous qui apprennent que je fais beaucoup de cash. Et j'accumule du cash. Mais beaucoup de cash. Puis ils apprennent que j'ai une certaine somme, donc ils veulent absolument s'en acquérir. Ils savent que je ne suis pas protégé. Et ils me kidnappent pendant un petit moment dans une maison à la campagne et me massacrent pendant 3 jours. Et vous avez quel âge? 18, 19 ans. Et ils me tabassent. Et ils me torturent, ils me cassent le bras en 3 parties. Je finis par dire où est l'argent. Et je dois tout recommencer à zéro. Et à ce moment, mes parents reviennent et me disent T'as arrêté l'école, tu fais rien de ta vie, tu vends des t-shirts, on ne voit pas l'argent, tu dégages de la maison. Donc je suis clochard pendant 1 an. Et là, on apprend la vie différemment. Donc le voyage social qui montait, là, je suis redescendu en race campagne, voire au bord de la mer. Là, j'étais au plus bas. Et j'étais clodo à Paris pendant une dizaine de mois, ouais. C'est toute l'année fin 94 jusqu'à août 95. Clodo, dans la rue. La rue, vraiment. Ouais, je me bats dans la rue, je prends des coups de couteau. J'ai des traces d'un coup de couteau dans la jambe. Mais la rue où je ne m'abaisse pas, c'est-à-dire je ne m'assois pas. Il y a la rue sans s'asseoir. Il y a la rue debout, il y a la rue assise. La rue assise, à partir du moment où on s'assoit, on arrête. On arrête, on a no future, on s'arrête, on tend le bras et on attend la thune. La rue debout, c'est on se débrouille. On est propre sur soi, on fait semblant de ne pas être... J'étais un clodo, un SDF avec un skateboard, voilà. Très peu de vêtements. Je suis parti de chez mes parents avec un caleçon et 50 francs et je suis parti à Paris. Et je me suis tellement embrouillé avec mes parents que je ne leur ai pas parlé pendant 3 ans, jamais donné un coup de fil et tout. Ils sont allés à des morgues pour voir si j'étais vivant. Et j'ai arrêté d'avoir un contact avec toute personne que je connaissais. J'ai fait table rase dans mon réseau. On recommence à zéro. Donc page blanche. Et j'arrive à Paris... Et je m'étais dit, je reviendrai chez mes parents droit, debout et blindé. Pour leur montrer que j'avais raison. Mon père m'a dit, tu finiras clochard. Il a failli avoir raison, ce con. Voilà. À ce moment-là, je pensais que vraiment c'était un con. Et non, c'est juste un pauvre ouvrier qui veut pas avoir de problème. Il sentait qu'avec moi, que ça partait en couille. Il y avait des kidnappings, les trucs, les histoires. Mon père, il voulait pas d'histoire. Cette génération, elle veut pas d'embrouille. Elle rase les murs, elle est en France. C'est un peu comme des invités, pas comme des gens qui vont vivre ici. C'était une drôle de psychologie même. Eux, lui, il était deuxième, troisième génération. Ils avaient toute cette psychologie. Cette psychologie, en fait, qui a basculé avec ma génération, que cette génération est d'ailleurs un peu la vôtre. Notre génération, c'est celle qui dit, hey, mec, on est chez nous. Il y a pas de période, comme disent les Anglais. On arrête la discussion. C'est chez nous ici. Celle d'avant, il y avait toujours ce truc qu'on construit la maison, bled, on sait jamais. Voilà, et donc je suis là, je me fais kidnapper, je suis clodo, ouais. À Paris, dans la rue, et puis assez propre, mais réseauté, très bizarre. Je trouvais des endroits squattés, je dormais dans des... Je connaissais quelques codes, notamment un code 43 rue Dufour. Je montais, je dormais entre deux apparts. L'hiver, on grillait. Alors, les premiers mois, je faisais les lignes, je traînais, j'allais dans des clubs, dans des vraies boîtes de nuit, jusqu'à 5 heures du mat. J'étais assez propre sur moi, donc je rentrais, notamment au Queen, au Rex et tout ça. J'ai fait toute la scène techno, house music et tout. Et puis, je prenais le métro de 5 heures du mat jusqu'à midi. Je fais des lignes entières, aller-retour. Et je dormais. La ligne 12 était d'une grande ligne. Je repérais les très longues lignes, donc tu vois. Je dormais dans le métro. Je mangeais des finger sardines. Et j'ai arrêté de me brosser les dents, donc j'ai perdu beaucoup de dents, c'est horrible. Mais là, quand l'autre il dit les 100 dents, t'as envie de lui mettre une pêche dans sa gueule, parce qu'il sait pas de quoi il parle. Tu trouves des endroits pour te laver, on mettait les fringues dans des lavomatiques. On se débrouillait, tu vois. On faisait de la thune à droite. On trouvait des que trucs, il y avait toujours. Le premier truc, c'est où je dors ce soir, où je crèche, chez qui, comment, tac, tac. Donc voilà, ça a duré un moment. Et puis un soir, il y avait un concert de la Clica à l'Élysée-Montmartre et je tombe sur cette fille qui s'appelle Julie et on discute. La discussion finit dans son lit et très sympathique. Et à 6 heures du mat, comme je suis un mec de la rue, je dormais chez elle ce soir-là. On est allé vite fait chez elle, c'était pas une farouche. Et elle était super sympa. Mais attention, c'est quelqu'un qui a compté pour moi, je dis ça, mais voilà. Et elle dormait, il était 5-6 heures du mat. Et comme j'étais un mec de la rue, je savais que ce jour-là, on changeait les posters de publicité. Et elle avait repéré un marchand, elle dit « J'adore cette pub ». C'était Naomi Campbell, une couve du Vogue. Je savais qu'à cette heure-là, ils enlevaient les affiches du Vogue. Elle habitait au 26 rue de Grenelle, je me rappelle. Et je suis allé récupérer ce poster qu'elle avait vu, qu'elle s'est réveillée le matin dans son salon. Il y avait ce grand poster sur le mur. Et la fille est tombée amoureuse. Classe. Ah ouais. Classe. Bah, il faut dire que j'étais dans une situation précaire. C'est un très beau geste. Ouais, mais moi, j'assume pas le romantisme. Mais c'est un truc de rebeu. On a du mal avec le romantisme. On n'a pas été éduqué à être romantique. On le fait. Et donc, elle se réveille. Elle fait « Ah, waouh !» et tout. Et là, j'ai un grand moment de vérité. Je lui dis « Tu sais, Julie, je sais pas où dormir, tu vois. Je suis avec toi et je t'aime bien et je sais pas où dormir. » Elle était super seclat. Elle a dit « Reste. » On est restés 5 ans ensemble. C'est une vraie rencontre quand même. Ouais, et donc ce qui est marrant, c'est que pendant 3 mois, on est restés enfermés chez elle à faire ce qu'on avait à faire. Et après, je me suis dit, mais il faut que je m'y remette. Ouais. Et j'ai décidé de me remettre au taf. Et comme j'avais fait ces t-shirts, j'ai décrété que j'étais un fashion designer. Et donc, je suis allé dans le sentier chercher du boulot parce que je me dis que c'est là qu'ils cherchent. Pour moi, c'était là que ça se fait. C'est bon. C'est génial ce que vous avez fait. Ouais, alors ça, c'est vraiment fait la tête, t'as répertorié un peu toutes les matières. Tu sais qu'on vend tous, on a les trois quarts. Hein. Ouais, déjà, on vend le Nîmes, Souchet, Baobab, Karité, yes. Cacao, Moranga. Et encore, on n'a pas tout mis, on s'est dit peut-être que ça faisait avec trop. On a des nouvelles senseurs, mais là, en fait, tu... Non, mais c'est génial. Alors, il y en a un quand même qui me perturbe. Le beurre de chameau. Ouais, ouais. En fait, c'est ce que les Peuls utilisaient à l'époque pour traiter leurs cheveux. Alors, après, ça sent un peu fort. Il faut réfléchir global, chérie. Hein. Si tu réfléchis que local, tu vas faire 2,50 balles. Est-ce qu'on part sur un truc africain, et là on a l'embarras du choix, et maintenant il va falloir être plus précis parce que me dire visage kinké liba, qu'est-ce que ça fait au visage? Donc Ramdam, on en était où là, puisque vous partiez chercher du travail dans le sentier, et alors? Je rentre au 69 rue Notre-Dame de Nazareth, il y avait une marque qui s'appelait Via Cosmos, et un mec qui s'appelait Patrick, un feu, La vie ratée, si je mens, mais je mens tout le temps, mais terriblement sympathique. Et je vais chez lui, il me dit, il avait écrit, je cherche vendeur, j'arrive, je lui dis bonjour, il cherche un vendeur, je peux vous aider? J'allais avec ça du sud-ouest, faut pas oublier que je viens de Montaigne, je parle comme ça. Et le mec, il est là, et je suis habillé un peu comme un skater, et il me dit, je lui dis, vous avez un boulot de vendeur? Il me dit oui, et je lui dis, mais monsieur, moi je suis pas vendeur, je suis styliste. Le mec, il est un peu interloqué. Il dit, mais t'es fou, quoi. Il y a écrit vendeur. Tu me dis, il y a un autre métier. Je fais, écoutez, mais vous connaissez le business du skateboard? Et le mec, il dit non. Je dis, mais c'est le business d'avenir. Et le mec était assez dingue. Il était tunard, flamboyant, tu vois. Il me dit, écoute, c'est vrai ton histoire de skateboard? Je fais, ouais. Il dit, alors, demain, je te donne un bureau. Il y a un graphiste. Voilà un bureau. Tu veux faire ta marque de skateboard? Tu l'as fait. On l'a fait ensemble. La tête de ma mère, l'histoire, elle s'est faite comme ça. Et moi, je lui dis, ah ouais, d'accord. Tu sais, je me démonte pas. Moi, je suis un mec. On va apprendre dans la nuit. On va se débrouiller. Donc, et j'avais un petit problème. Je ne fais jamais de dessin. J'avais des t-shirts. Je ne fais rien faire d'autre. Et donc, là, je rentre très enthousiaste à la maison. Je dis, Julie, j'ai trouvé un boulot de styliste. Elle dit, incroyable et tout. J'explique l'histoire. Elle me dit, mais tu ne sais pas faire. Oui, je sais que je ne sais pas faire. Et je connais un mec. Le mec s'appelle Marco. Et Marco, je l'appelle. Et ça ne marche pas. Je vais chez sa mère. Et elle me dit, il est à San Diego. Donc j'appelle Marco, elle me donne son numéro, j'appelle Marco, il est à San Diego, aux États-Unis, en Californie. Hey, ça, what's up, Marco? Ouais, yo, ouais, là, là, bullshit, tu vois, là. On s'apprend pour des ricains de 2 minutes. Marco, j'ai un truc, j'ai un gros projet là, on fait une grosse marque de skateboard, faut que tu déboules, je vais te prendre avec moi. Je savais que c'était le seul qui savait dessiner des fringues. Et Marco, il se démonte pas, tu sais ce qu'il me dit? Je prends le prochain avion, j'arrive. Et donc Marco arrive 2 jours après, et on lance une marque de skateboard qui s'appelle King Size, et qui va être le premier gros succès de ma vie. Et ça a cartonné, on a vendu ça dans toute l'Europe et c'était le début, le nouvel étage, ça veut dire structure, société et tout, de mes nouvelles aventures. On apprend beaucoup de choses. On apprend à vendre, on apprend à produire, on apprend un truc, on en improvise, on fait beaucoup d'erreurs et c'est la meilleure école. Les erreurs sont toujours la meilleure école parce qu'on apprend de nos erreurs. C'est pas une phrase en l'air. Moi, j'ai toujours confiance en un mec qui a déposé le bilan 3 fois, 4 fois, j'ai plus confiance en lui ou au mec qui a toujours eu du succès. La fin, ça s'est mal passé. J'ai vendu, j'ai pas été payé correctement et tout. Après, je rebondis. Vous savez, l'entrepreneur, c'est quoi? C'est une personne qui passe d'échec en échec, mais qui se relève toujours avec de l'enthousiasme. C'est rien d'autre. Je suis toujours enthousiaste. Et après, je fais ce concept store, j'invente les concept stores en faisant l'épicerie. Je travaille avec Marc Jacobs, Paul Smith, tout le monde. Je découvre la mode, je découvre les mannequins, je tape une meuf, je lâche Julie, évidemment. Mais on vit de façon très misérable, même à ce moment-là. Je gagne beaucoup moins d'argent avec l'épicerie, ce concept store qui a cartonné médiatiquement dans le monde, qu'avec King Size, qui a gagné 10 fois plus. J'avais du cash tout le temps dans les poches et tout. Mais la moitié des mecs, ils disaient, c'est un arabe, il est sketchy, il est pas sérieux, il est un peu voyou, il est un peu escroc et tout. Ils ont tout essayé. Faut juste pas lâcher. C'est pas facile. Ça a pas été un jour facile et c'est pas facile même aujourd'hui. Pas facile. Et donc, voilà, je vis, j'apprends, je fais des réseaux, je découvre et j'apprends surtout pour mon voyage social. Il faut les codes sociaux. Parler d'une façon différente. Il faut s'adapter. On apprend la politesse, qu'on n'a pas forcément. Et j'ai appris beaucoup de choses. Hein, comment m'asseoir à table, comment me lever, où, là, quoi. Chez nous, chez mes parents, t'avais faim, tu mangeais. Mes enfants, ils mangent si je mange. Ils me demandent à se lever de table. Même maintenant. Et ça, je l'ai appris avec Victoire. Donc elle a amené tout ce vernis aristo, éduqué, tout ça. Et ça, c'est hyper important. Un jour, j'ai fait un cours qui était juste destiné à 2-3 personnes avec la chef du protocole dans l'empereur du Japon pour savoir comment on fallait manger comme un Japonais dans l'aristocratie japonaise. C'était phénoménal. Enfin, j'ai appris des choses incroyables. Donc maintenant, j'apprends à peu près à me tenir. Mais c'est rien par rapport à ma femme. Des fois, je la regarde avec admiration. Mais comment on se met en contact avec un milieu qui n'est pas du tout... On est dans le milieu de la mode. Victoire dirige la communication de cette boutique qui s'appelle Colette, qu'elle a montée avec sa meilleure amie qui s'appelle Sarah. Et Colette, elle-même d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y a la boutique concurrente qui est la nôtre. Donc on est concurrents. Et on s'allume un peu. Et puis elles viennent à nos fêtes quand même. Et nous, on va à leurs fêtes. Donc on a fini par se rapprocher, on est devenus de plus en plus potes, et puis un jour ça a bifurqué sur autre chose. Et pour moi, les premières fois que j'ai vu Victoire, c'est une autre planète. Vu de l'extérieur, Victoire, c'est une autre planète, c'est pas ma planète. On est vraiment sur autre chose. Descendante du baron d'Olba qui finançait Diderot. Elle est descendante du comte de Nelivos, l'homme qui a inventé le café dans les îles. Elle est descendante d'encore plus ouf, Porthos, le comte de Nolivos. Les mousquetaires, ça vous dit quelque chose? C'est son ancêtre, c'est une autre planète. Bon, c'est sûr qu'on vient de deux environnements radicalement différents. Hein. Y a rien à dire là-dessus. J'ai grandi dans le 7e à Paris par des parents qui ont beaucoup vécu. Ma mère est née en Syrie, elle a beaucoup vécu au Moyen-Orient. Moi-même, je suis née à Beyrouth. Mais en même temps, avec un vrai ancrage régional qui se trouve être le Sud-Ouest et le Gers, dont la famille de mon père est originaire depuis des générations, et ça fascine Ramdan. Donc là, voilà, cet endroit de France dont je suis originaire était très célèbre dans l'armée française pour quelque chose qui s'appelait les mousquetaires. Et donc un des trois mousquetaires, qui est donc Porthos, a épousé une de mes grandes tantes. Voilà. Je crois qu'évidemment, je vais le dire honnêtement, pour mes parents, c'était un choix qu'ils trouvaient compliqué, parce qu'ils trouvaient que la différence de culture était compliquée, qu'ils trouvaient que je m'en rajoutais beaucoup. Donc la première chose que ça m'a appris, c'est le regard de l'autre. Voilà. Donc Ramdam, non, il y a un regard sur lui. C'est-à-dire le taxi qui s'arrête pas, qui ralentit et qui repart. Ça, vraiment, je connaissais pas. Et des trucs comme ça. Et des remarques un peu déplaisantes, c'est-à-dire, je sais pas, je suis enceinte de mon deuxième enfant, on me dit, mais tu es complètement folle. Je suis pas sûre qu'on m'aurait dit ça si le père de mon enfant avait été du même milieu social. Tu es complètement folle. Et donc, en fait, ça m'a appris tout d'un coup qu'il y avait quand même plusieurs vitesses. Moi, je veux dire, j'ai pas de problème à la douane, j'ai pas de problème avec la police. Je veux dire, on me voit arriver, on est très très content de me voir arriver toujours. Mon mari, c'est pas toujours le cas. Et donc ça m'a un petit peu ouvert les yeux, mais très rapidement. Hein. Voilà. Et puis après, alors le regard suspect se transforme maintenant avec, parce que peut-être on peut parler de succès, avec quelque chose qui est la joie du contraste, le conte de Noël. Mais après tout, si ça permet de croire à certaines personnes que c'est possible et qu'on n'est pas obligé d'être dans des cadres... Vous rencontrez quelqu'un qui n'a rien, qui ne peut même pas imaginer de quel milieu vous arrivez. Mais Victoire s'en fout. Ouais. Par contre, son monde n'a pas été extrêmement enthousiaste. Et c'est un euphémisme à mon arrivée au départ. Son père arrêtait de lui parler pendant un moment. Ça a été plus difficile pour elle. Moi, j'avais pas de famille, j'étais tout seul, je parlais pas à mes parents à ce moment-là. Donc, c'est passé comme une trappe à poste. Et après, je me suis rapproché du père. Et à la fin, avant qu'il décède, on était potos comme cochons. Ouais. Voilà, on a fini super potes. On s'assied tous les deux, on parlait d'Aston Martin ancienne, on avait cette passion pour les vieilles voitures. Au château, on était dehors, on sirotait une citronnade, et on parlait de politique et de plein de choses. Voilà, pour se faire intégrer. Il y a encore des parties de la famille, évidemment, qui ont... Ouais, je ne suis pas très populaire, je suis pas très diplomate aussi. Je ne fais pas beaucoup d'efforts. Ouais, c'est notre planète. Vous êtes là, vous avez des ducs, vous avez des sénateurs, des ministres. Voilà, c'est notre planète. Qui viennent déjeuner. Mais ça vous amuse, ça? Non, vous... j'évite, j'y vais pas. Je suis pas très, j'aime pas aller chez les autres. C'est sa famille. Non, ça m'amuse. Non, je passe très peu de temps là-bas. D'accord. C'est pas que je les aime pas, c'est que j'aime pas. C'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Je l'ai créé. Ça y est, je vais pas chez le monde des autres. J'ai mon monde, moi. Ça y est, il est fait. Mes enfants, ils vont chaque été, 2 mois au château, en famille et tout. Et bien sûr, c'est génial, mais pas moi. Très peu. En été, je passe 3 jours et en Noël, je reste une journée. Vous partez, Louis? Ouais. Vous avez fait un match de foot? Allez-y. Allez, ciao, on se voit dans 2-3 semaines. Okay. Ouais, c'est ça. Allez, ciao. Marie, dorénavant, on se parle par Skype. Ah, ouais. Oui, ce soir. Donc demain, je vous parle vers... midi, 13h par Skype. Quelle heure il est? Il part tôt là ou quoi là? Ah non, il est 19h quand même. Donc on fait par Skype. Il faut qu'ils aient un Skype, il faut lui acheter un ordinateur. Elle, il y a du boulot à beaucoup de gens. Vous reprenez le fixe avec tout le truc, laissez votre ordinateur chez vous. Vous demandez ce que vous voulez, vous l'avez. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, cette journée de la femme, je me demande si nous ne devrions pas l'appeler la journée de la liberté, ou pourquoi pas la journée de la résistance. Il y a une chose qui m'a frappée cette année concernant les femmes. C'est ce qui s'est passé à Davos en janvier dernier. Davos est un forum économique mondial dans lequel il y a à peu près 85% d'hommes qui interviennent et 15% de femmes. C'est d'ailleurs parce qu'il y a si peu de femmes que j'ai créé le Women's Forum il y a 10 ans, parce que je ne comprenais pas comment on pouvait penser le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain en ne prenant pas en compte la parole des femmes. Nous sommes le 8 mars 2014, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Du haut de l'estrade, une femme d'affaires, Aude de Thuin, prend la parole. Elle est la fondatrice du Women's Forum for the Economy and Society. Elle parle d'une voix forte, sûre d'elle. Elle est à l'époque au fait de sa gloire. Loin d'imaginer qu'un an après, la faillite allait changer le cours de sa vie. Bon ben voilà, j'ai eu le temps de répondre à l'American Express pour confirmer l'opposition. Quand on a vécu un dépôt de bilan comme ce que j'ai vécu, à ce moment-là, on se pose des questions sur le mode de vie et en attendant que les choses se remettent à peu près en place, on avait cet appartement, donc on a décidé de vivre de façon plus modeste. Et voilà. Mettre le pied au tribunal de commerce est le début d'une horrible histoire. Parce que la démarche même d'aller au tribunal de commerce après la vie professionnelle qui avait été la mienne, est une histoire douloureuse. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'extrêmement douloureux. Lorsque je suis arrivée dans le bureau du président du tribunal de commerce, il s'est levé, donc en tenue, vous savez, c'est très officiel. Et il s'est levé, il m'a fait un baise-main. Et il m'a dit « Madame, je rêvais de vous rencontrer, après ce que vous avez fait pour les femmes et pour la France, mais pas dans ces conditions ». Ça m'a beaucoup touchée, émue, j'ai encore plus pleuré, parce que ça m'a bouleversée, parce que je n'étais pas en état de sortir de ce bouleversement qui était le mien. Je n'en étais pas capable. Mais pourtant, Aude de Thuin, vous étiez une femme forte. Moi, je suis un entrepreneur récidiviste. Les Américains disent de moi que je suis un serial entrepreneur. Moi, j'ai créé ma première boîte à 22 ans. Et... Donc, vous avez eu de cesse de monter des affaires? Oui, parce que j'aime ça. J'ai créé 4 sociétés au total, celle-ci est la 5e. Et curieusement, j'ai presque créé une boîte par décennie. Et je pense que je n'aurais jamais fait le Women's Forum si je n'avais pas créé avant la semaine du marketing direct, l'art du jardin, et un salon qui a fait un tabac auprès des femmes qui s'appelait Création et Savoir-Faire. Et c'est ce qui m'a amené aussi toujours à me poser des questions sur ce que j'observais d'anormal à l'égard des femmes. J'ai passé ma vie à trouver que le monde ne fonctionnait pas, y compris autour de moi dans mon enfance, où ma mère, ma grand-mère faisaient des trucs, elles étaient dévouées aux hommes, et j'étais choquée en permanence par l'abnégation des femmes. Comment est-ce qu'on peut penser le monde de demain sans nous les femmes, et nous qui souvent avons des PME, et j'avais les moyens, parce que j'avais vendu ma boîte, et donc j'avais ce temps. Et ce temps, je l'ai mis à profit des femmes, en étudiant mondialement ce qui se passait. En rencontrant des anthropologues, comme Françoise Héritier, en rencontrant des sociologues, en faisant quelques voyages aussi. Donc votre grande réussite, c'est le Women's Forum. Donc c'était quand même un forum qui s'adressait aux femmes entrepreneuses. Hein, c'est le monde de l'entreprise, c'est économique, c'est pas le monde... C'est le monde économique, mais pas seulement. J'ai fait venir des activistes, j'ai fait venir Tasliman Nasrin, j'ai fait venir Mohamed Younous... qui était le fondateur du microcrédit. Donc certes, c'était un forum économique. Pourquoi ? Parce que moi, je ne crois qu'à l'économie pour impulser les changements. Quand je fais venir Tasliman Nasrin ou je fais venir une femme, une présidente d'association d'Afghanistan, je peux vous dire qu'elles n'ont aucune réussite. Mais par contre, ce sont des combattantes de survie. J'ai eu des féministes contre moi qui se disaient « Mais comment est-ce qu'elle ose faire de l'argent sur le sujet des femmes ?» Heureusement que j'ai osé mettre quelques millions d'euros pour créer cette affaire, parce qu'aujourd'hui, la loi sur les quotas n'existerait pas. Le Women's Forum a très bien marché. Et puis, en 2008, à cause de la crise des subprimes, donc on avait 4 ans, on a perdu beaucoup d'argent parce que les Américains, qui étaient nos sponsors, Lehman Brothers, AIG ou des boîtes comme Dexia, nous ont quittés du jour au lendemain. On a eu une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 40%. Donc, quand j'ai vendu le Women's Forum à Maurice Lévy, à Publicis, ils ont licencié une partie de mon équipe et moi. Et ils trouvaient que j'avais mauvais caractère, ce qui est vrai. Et j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out sévère. Vous parlez de ce burn-out, ça a été aussi un moment où vous avez accepté un peu de tomber le masque. Oui, parce que quand j'ai fait ce burn-out et que j'ai pris conscience, aussi j'ai pris conscience d'une chose, c'est que tout d'un coup le regard des gens sur moi changeait. Et donc j'ai réalisé ce qu'était ce que j'appelle aujourd'hui les amitiés sociales. Et d'avoir une vie d'apparence bourgeoise. Enfin, j'ai un mari d'origine bourgeoise. Moi pas. Et donc j'ai adoré surfer sur ce que cette vie qui n'était pas programmée dans le fond. Ce week-end, je recevais mes sœurs en Normandie et je les regardais. Il n'y a aucune comparaison possible entre leur vie et la mienne. Elles vivent une vie de femmes qui n'avaient aucune ambition. Pour qui être secrétaire, c'était déjà bien. Je ne voulais pas vivre comme elle, jamais. Je ne voulais pas vivre comme ma mère, je ne voulais pas vivre comme ma grand-mère. Je me souviens petite, j'observais des gens, et toujours c'était les notables du village d'où j'étais. C'était jamais les autres. Et donc j'avais cette espèce d'attirance pour tout ça, pour un peu ce qui brillait. Mais ça m'a aidée, 30 ans de ma vie, j'ai surfé là-dessus. Vous avez construit complètement ce personnage de grande bourgeoise. Oui. C'est-à-dire que c'est de l'observation que je faisais et je prenais les codes des autres. Mais ça n'a pas été une volonté de devenir moi-même. Quand mon mari m'a demandé en mariage, j'ai dit non, parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il était, lui. J'ai pas osé lui dire oui, j'ai mis un post-it sur ma porte. Oui. Voilà, j'avais cette peur enfouie en moi. Et que j'ai encore aujourd'hui. Vous vous rendez compte que j'ai porté des lunettes uniquement pour me cacher. Parce que j'étais intimidée par les gens et je pensais que les lunettes me protégeaient des gens. Donc à défaut de mettre un masque, je mettais des lunettes. Enfin, c'est dingue, quoi. J'avais l'impression d'être un imposteur tout le temps. Alors que je réussissais à côté de ça. Vous viviez avec une sorte un secret, en fait. Oui, absolument. Je vivais avec le fait de ne pas être diplômée. Je vivais avec le fait d'avoir un père qui était boulanger. Je vivais avec le fait d'avoir une famille qui n'avait pas beaucoup de culture, qui n'avait rien. Voilà, et donc je ne voulais pas qu'on découvre ce que j'étais. Il y a des moments où je vivais bien avec ce que j'étais. Enfin, je me posais même pas la question, parce que quand on n'est pas bien, tout revient. Et c'est ce qui s'est passé en 2015, quand tout s'est écroulé. Et je me suis retrouvée sans rien, et en disant, ok, maintenant je vais vivre autrement, et je vais dire surtout. Je resterai marquée à vie de ce que j'ai connu. Et j'ai pris de la distance par rapport à ces gens, et ces fameuses amitiés sociales. Aujourd'hui, je m'en fous. Je veux plus voir les gens comme ça. Vous vous êtes en fait pliée à l'ordre établi qui est de cacher ses origines sociales. Bien sûr. Vous savez, ce sont les marches. C'est une sorte de mur qui, d'ailleurs, un peu s'est fermé autour de moi. Mais c'est comme une construction, brique par brique. Et donc, ce que j'observais me faisait aller une étape plus loin. Et puis, j'étais arrivée à cette étape et j'allais encore dans une autre étape tout le temps. Je me souviens que je me disais, il y a un autre monde. Voilà. Il y a un autre monde. Un autre monde que la boulangerie des parents. Oui, que c'était moins ça que le manque de culture, que un manque d'éducation. Ma mère voulait que je sois secrétaire comme mes sœurs. Pour elle, c'était le Graal. Bon, et je me disais, jamais. Mais quand je disais ça, je ne savais pas non plus ce que je voulais faire. Simplement que j'étais en révolte. J'ai utilisé cette révolte pour entreprendre. Vous n'osiez pas dire que votre père était boulanger? Mais non, jamais. Jamais, jamais. Et c'est stupide. Honte sur moi d'avoir osé cacher ça. Qu'est-ce qui m'autorisait à faire ça? C'est honteux. Et donc j'ai travaillé là-dessus, parce qu'après il fallait sortir de la culpabilité, de la honte aussi. Parce que c'est tout le temps. Je veux dire qu'à un moment, il faut savoir tourner la page. pour demander pardon à mes parents, quelque part. Je suis désolée. Aude de Thuin, c'est un nom qui me va bien, et pourtant ça n'est pas le vôtre. Non. Non, non, mon prénom de naissance est Odette. Et depuis toujours, je me suis fait appeler Aude. Depuis très aussi longtemps que ça remonte, parce que je détestais le prénom que m'avaient donné mes parents. Et donc, je l'ai fait agréer par l'état civil, donc je suis Aude de Thuin. Il se trouve que j'ai épousé une particule. Hein. J'ai épousé parce qu'il était séduisant, que voilà. Et puis, fait des transferts psychologiques. J'ai épousé un homme qui avait l'âge de ma mère. Donc aller chercher l'erreur, là aussi. Et quand on perd, comme moi, mon père, j'avais 15 ans et demi, j'ai fait tous les transfert. Moi, je suis un très bon client pour les psys. Donc voilà. Mais dans le fond, moi, je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'est mon histoire. Je ne vais pas la réécrire, ni à un moment juger. Ça va, j'ai suffisamment souffert de ce que j'ai vécu pour me, vous voyez, en faire, en rajouter là-dessus. J'aurais préféré m'en passer. Et même, petite question, j'espère que ce n'est pas vous vexer, mais vous avez pris aussi un ton d'une grande bourgeoise dans votre manière de parler. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous en rendez pas compte. Non, mais est-ce que c'est une construction aussi, ça, ou c'est... Je ne peux pas le dire. Vous savez, moi, je regarde tellement les autres et j'imite tellement des gens que j'ai admirés à un moment que par imitation, je me suis mise à parler comme eux. Ce n'était pas par désir de le faire. Vous ne pouvez pas imaginer la rapidité que j'ai de comprendre dans le regard de l'autre les erreurs que je fais et donc de les améliorer. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes transfuge de classe ? Oui, je suis ce que je suis parce que j'ai travaillé. Après, j'ai surfé allègrement sur l'image qui est devenue la mienne et j'en ai profité. J'avais rien. Ce que j'ai, je l'ai construit. Et je souhaite à tout le monde d'avoir ce que j'ai eu et ce que je vais reconstruire. Merci à Victoire de Taillac et Ramdan Touami de Bully 1803. Prise de son, Yves Le Hors et Laurent Lucas. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Ma vie comme un voyage social ou comment inverser la courbe du destin, un documentaire de Leïla Djitli, réalisé par Vincent Deck. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast pour rentrer chez soi, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Et demain, troisième épisode, passer les frontières sociales grâce à l'école.